السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi dix-sept Safar 1433 de l'Égir, ce qui correspond avec le 11 janvier 2012. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours avec les six fondements. On va juste faire un résumé pour dire que dans le premier fondement, ça parlait de sincérité et que toutes les actions qui ne se basait pas sur la sincérité, était nul. Le deuxième fondement, c'était l'exhortation à être uni dans la religion, et que c'était vraiment interdit de se désunir dans la religion, mais que les musulmans devraient être un seul front. Dans le troisième fondement, ça parlait de l'obligation d'obéir au gouverneur tant qu'il était musulman. Dans le quatrième fondement qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait de montrer qui sont les vrais savants et quel est le mérite de la science. Et dans le cinquième fondement qu'on a vu déjà, ça parlait du fait de montrer qui sont les vrais élus d'Allah Azza wa Jal et ses vrais alliés. Et comment les distinguer des faux élus et des faux alliés. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va revenir au quatrième fondement qu'on avait oublié d'expliquer et qui parle de qui sont les vrais savants et comment les distinguer des faux et quel est le mérite de la science. Je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, une fois en arabe le quatrième fondement, ensuite en français et l'expliquer bi'idhnillah Azza wa Jal. Qala الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. سورة البقرة الآية 40 إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأدي فضلتكم على العالمين. سورة البقرة آية 47. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفاقه العالم. Donc, on va expliquer ce qu'a dit ici le Cheikh Rahimahullah. Ensuite, on va expliquer. Il a dit: montrer qui sont les vrais érudits et savants en religion, c'est-à-dire dans ce quatrième fondement, On va montrer qui sont les vrais érudits et savants en religion et les distinguer de ceux qui simulent en faire partie sans qu'ils ne le soient réellement. Allah Ta'ala a indiqué ce principe au début de la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il a dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. » Et il a dit aussi dans le verset 40, 47, il a dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. » Ce principe est d'autant plus clair que la Sunna apporte des explications claires même au plus simple d'esprit des gens du combat. Il arriva par la suite que cela devint une chose des plus étranges. La science et l'érudition religieuse devint innovation hérétique et égarement. Et le mieux qu'il peut faire est de mêler le faux à la vérité. Désormais est déclaré, malheureusement, bien sûr, malheureusement, désormais est déclaré hérétique ou bien fou quiconque parle au nom de la vraie science prescrite et louée par Allah Azza wa Jalla aux créatures. De même, c'est-à-dire tout à fait le contraire, est déclaré érudit et éminent savant celui qui nie cette science, cette vraie science, et prend une attitude hostile vis-à-vis d'elle et compose des ouvrages mettant en garde contre elle et l'interdisant. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est tout à fait le contraire. Mais je sais comment on dit la fin du monde. Le Cheikh maintenant, le Cheikh Al-Othimi, rahimahullah, explique. Il dit, lorsque le Cheikh a dit, Bayanu l'ilmi ou l'ulama ou l'fiqhi ou l'fuqaha, il a dit le fait de montrer la science et les savants, la législation, et les législateurs, il a dit, El murad bil ilmi huna, l'ilm shar'i. Il a dit, la science que veut montrer ici le cheikh, la science que veut montrer ici le cheikh, il a dit, l'ilm shar'i, c'est la science légiférée, c'est la science religieuse. C'est la science religieuse. Pourquoi il a dit science religieuse? Pour faire la différence entre science religieuse et science de ce bas monde. La médecine, par exemple, ce n'est pas une science religieuse. L'agronomie, ce n'est pas une science religieuse. Et comme ça, donc il faut faire la différence. Ici, le cheikh parlait de la science religieuse. Il a dit, « Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi min bayinati uluda » a dit, on parle ici de la science que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son messager en lui montrant ce qu'il doit montrer aux gens. Il a dit la science qui celui qui la demande, c'est-à-dire cette science aura des éloges. On lui fait des éloges et aura bien sûr sera grandement récompensé au Qiyama, le jour de la résurrection. Il a dit c'est la science religieuse, pas l'autre. L'ilm alladhi anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam min al-kitab wal-hikma. Il a dit c'est la science que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, exalté soit-il, a fait descendre sur son messager alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, dans sourate Zumar, verset numéro 9, il a dit, « Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Je répète, je dis d'abord ça en arabe, il a dit, « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? seuls les doués d'intelligence se rappellent. C'est-à-dire se rappellent qu'ils ne sont pas égaux. Non, ils ne sont pas égaux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Quiconque à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il l'instruit en religion. Ce hadith, vous le connaissez tous. وقال النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aussi dans un hadith, non, je prends le témoin du cours, il a dit إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Il a dit les prophètes n'ont pas laissé comme héritage, non, ni un dinar ni un dirham. Les prophètes ne laissent pas comme héritage. Lorsque les prophètes meurent, ils ne laissent pas d'héritage. Non, ils ne laissent pas quoi? L'héritage, c'est-à-dire de l'argent. Non. Par contre, ils laissent en héritage la science. Ils laissent en héritage la science. C'est pour ça qu'il a dit فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَقٍ وَاحِدٍ. Celui qui en a pris, il a pris de cet héritage, vraiment il a pris quelque chose. Vraiment il a pris avec lui quelque chose. Ce hadith a été déclaré bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Mishkat al-Masabih. Il l'a cité sous le numéro 212. Donc les prophètes, quand ils meurent, ils ne laissent jamais quelque chose en héritage. Ce qu'ils laissent ne va pas ni à leurs femmes ni à leurs enfants. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils laissent en héritage? Ils laissent la science. C'est pour ça qu'on dit, et le hadith dit aussi, les hommes de science sont qui? Sont les héritiers des messagers, les héritiers des prophètes. Les hommes de science, qu'est-ce qu'ils héritent des prophètes? Ils héritent la science. Non, ils héritent pas les biens de ce bas monde. Ils pas les biens de ce bas monde. Il a dit, Cheikh Issa Rahimallah, وَمِنْ مَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي وَرَثَهُ الْأَنْبِيَا إِنَّمَا هُوَ عِلْمُ الشَّارِعَ. Il a dit, et c'est très connu que quoi? Que les messagers, les prophètes, qu'est-ce qu'ils héritent eux? Qu'est-ce qu'ils héritent? Pour qu'ils le laissent après, lorsqu'ils meurent, ils vont le laisser. Qu'est-ce qu'ils héritent? Il a dit, ils héritent la science de la sharia. Sharia, naam. وما هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. Le Cheikh dit, et malgré cela, nous, on ne nie pas, on ne renie pas que les autres sciences de ce bas monde aussi ont aussi des intérêts. Naam. C'est-à-dire, ça a des intérêts, le fait d'étudier la médecine, la physique, les mathématiques, les sciences exactes, l'agronomie, tout ça, ça a des intérêts. Il a dit, mais les intérêts que ça comporte, c'est comme on dit, un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. In a'anat ala ta'ati Allah wa ala nasri dini Allah, muntafa'a biha ibadullah, kan khayran wa maslaha. Il a dit maintenant, les sciences de ce bas monde, qui ne sont pas des sciences religieuses, si on va les étudier pour que ça aide, à quoi? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître son Seigneur, à l'adorer, à se rapprocher de lui, pour que sa religion soit celle qui triomphe. Il a dit, dans ce cas, c'est une bonne science. C'est une bonne science. Naam. Mais maintenant, si cette science, naam, qu'on va étudier, va éloigner la personne de son Seigneur, naam, et va le faire mourir, alors que son Seigneur est en colère contre lui, naam, et va, yani, ne va pas guider ici cette personne. Dans ce cas, cette science, non seulement elle n'est pas bien, mais encore, c'est une science qui fait du mal. C'est une science qui fait du mal. Ensuite, le Cheikh dit, « وَعَلَى كُلِّ حَلْ فَالْعِلْمُ الَّذِي وَرَدَ الثَّنَاءُ فِيهِ وَعَلَى طَالِبِهِ هُوَ فِقْهُ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il a dit, de toute façon, la science qui mérite l'éloge l'éloge sur elle, la science, et sur celui qui la demande, c'est la science de quoi? Du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part cela, toutes les autres sciences, qui ne sont pas des sciences religieuses, il a dit on va voir si elles sont un moyen pour le bien, donc elles sont bien, et si elles sont un moyen pour le mal, donc elles sont mal. Et il a dit, si elles ne sont ni un moyen pour le bien, ni un moyen pour le mal, fahwa daya. Donc, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait de perdre son temps. Ça rentre dans le fait de perdre son temps. Non. Il a dit, et la science, bien sûr, il parle de la science religieuse. Il a dit, la science, ça a beaucoup de mérite. Il a cité 4 ou 5 mérites. Le premier mérite de la science religieuse. Le premier mérite, c'est que celui qui demande la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le cheikh a commencé par l'au-delà. Il a dit, Allah ta'ala va l'élever dans l'au-delà, l'au-delà et dans ce bas monde. Et dans ce bas monde. Amma fil akhirah, fa inna Allah yarfa'uhum darajatin bihasbi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima'ni. Il a dit, quant à dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever, hein, dans des rangs élevés, il a dit, d'après ce qu'ils ont fait comme effort ici dans ce bas monde pour demander cette science et l'appliquer et propager, donc propager la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa charia. Le fil dunya, quant à dans cette dunya, dans ce bas monde, que va-t-il leur faire Allah subhanahu wa ta'ala? Le fil dunya, yarfa'hum Allah bayna ibadihi, bihasbi ma qamu bihi. Quant à dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever parmi qui? Parmi les autres êtres humains, les autres serviteurs et les autres, disons, croyants. Vous remarquez que nous savons. N'a pas, subhanallah, il n'a pas quand même un même statut que disons le boulanger ou bien le mécanicien ou bien, même si le mécanicien et le boulanger et le boucher, s'ils sont des purs, là, subhanallah, elle les aime et va les faire rentrer au paradis, inshallah, mais même dans ce bas monde, quand même, ils n'ont pas le même statut, le même respect, la même admiration, par exemple, des gens comme l'ont les savants, comme l'ont les savants. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Mujadala 11. Surat al-Mujadala 11. Il a dit, Yarfa'ullah alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Yarfa'ullah alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma. Allah Azzawajal élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala va élever sont deux sortes. Celui qui a cru et qui aussi. Et celui qui aura reçu le savoir. Il faut recevoir le savoir, ce n'est pas en dormant et en faisant des songes, mais en faisant des efforts pour apprendre la religion, en faisant des efforts pour s'instruire. Naam. Comme tu es soucieux. Naam. Par exemple, pour demander la science de la dunya, pour devenir médecin, pour devenir ingénieur, pour devenir ceci, cela, il faudrait être plus soucieux pour demander la science qui va quoi? Qui va te faire rentrer au paradis et qui va t'épargner le feu. Naam. Subhanallah. C'est avec la science que la science et l'application, bien sûr. Mais d'abord la science. S'il n'y a pas la science, il n'y a pas d'application. Tu appliques quoi? Tu appliques les bidas, tu appliques n'importe quoi. Donc c'est la science qui, bi'idhnillahi ta'ala, va être quoi? Le moyen de te faire rentrer au paradis et de te faire épargner le feu. Ça, c'est le premier avantage de la science. Le deuxième avantage, ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième avantage, c'est que la science religieuse, c'est quoi? C'est l'héritage du messager ou des messagers et des prophètes. Non. Comme a dit le prophète, il a dit, إِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُورِثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ. Comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les prophètes non, ne laissent pas en héritage non, le dinar, les dinars ou bien les dirhams. Par contre, qu'est-ce qu'ils laissent? Ils laissent la science. Donc, deuxième avantage pour celui qui a la science religieuse, c'est d'avoir hérité des messagers. Subhanallah al-Azim. Toutes les autres personnes qui n'ont pas la science, s'ils héritent, si jamais ils héritent, qu'est-ce qu'ils héritent? Ils héritent de leur père et de leur mère, ou de leur frère. Ils héritent la voiture et la maison et le jardin ou la ferme. Mais celui qui a la science religieuse, il a hérité de qui? Il a hérité du prophète. Subhanallah al-Azim. La différence entre celui qui hérite de son père et celui qui hérite d'un prophète. Subhanallah al-Azim. Et vraiment, elle est grande la différence. Troisième mérite de la science religieuse. Annahu mimma yabqa lil insani ba'da ma mati. La science religieuse se différencie de la science de ce bas monde en ce point que la science religieuse, c'est une des choses qui te reste après être mort. Non. Quand tu meurs, tout ce que tu as laissé ne va pas aller avec toi à la tombe. Ni la voiture, ni les enfants, ni l'argent, ni tout ce que tu laisses. Non. Tu vas le délaisser derrière ton dos. Par contre, la science religieuse, c'est quoi? C'est une chose qui va être toujours en relation avec toi, même après ta mort. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ida mat al-abdo » Quand le serviteur meurt, « In qata amalu illa min talat » Toutes ses actions s'arrêtent. Sauf de trois choses. Trois choses ne vont pas s'arrêter. D'arriver à lui, même quand il est mort. Sadaqatun jariya. Sadaqatun jariya. S'il a fait une aumône jariya. Jariya, c'est comme par exemple construire une mosquée, construire un hôpital, creuser un puits. Les choses qui, tant que la chose existe et les gens profitent de cette chose, au monde continue. Barakallahu fik. Au monde continue. Naam. Ça, c'est la première. La deuxième. Tu as laissé une science que les gens quoi? Que les gens, yani, qui sert, qui est utile aux gens, alors que tu es mort. Non. Je vous donne un exemple très simple, très très simple. J'apprends à quelqu'un, par exemple, qu'il y a une salat, par exemple, qui s'appelle salat Doha, par exemple. Il ne savait pas. J'étais une soeur, elle est avec une amie à elle, en train de discuter sur l'islam, elle parle de Salat Doha. L'autre, elle lui dit, je ne connais pas Salat Doha. Elle lui dit, si, Salat Doha, voilà, c'est 2, 4, 4, 6, 8, jusqu'à 12, entre à peu près 8h30 du matin, jusqu'à un peu avant le dor. Elle mouhème. C'est toi qui as été la cause pour lui apprendre Salat Doha. Maintenant, toi, qui lui as appris, tu meurs. Et l'autre, elle va vivre 30 ans après toi. Pendant les 30 ans, à chaque fois qu'elle fera Salat Doha, vous partagez, subhanallah al-azim, les récompenses. Partagez, non, mais vous aurez les... C'est-à-dire, celui qui est mort et qui a appris à l'autre personne aura les mêmes récompenses que celle qui est en train de prier. Donc toi, tu es dans ta tombe, sans prier. Et l'autre, elle prie, et toi, tu as les mêmes récompenses qu'elle, subhanallah al-azim. Donc, l'ilm, vous voyez là la différence entre celui qui a hérité le ilm, celui qui a appris le ilm et l'a appris, et celui qui a fait seulement et année a appris des choses de cette dunya. Naam. Et troisième, dans le hadith, il a dit, donc au monde continu, ou bien une science qui a été utile pour les gens, ou bien il a dit, tu laisses un enfant qui te fait des doigts. Tu laisses un enfant qui te fait des doigts. Et ce hadith, bien sûr, est un hadith, bi'idhnillahi ta'ala, authentique. Wa minha, parmi les mérites de la science religieuse, anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam, لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين. parmi les grands mérites de la science religieuse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais exhorté quelqu'un pour qu'il soit soucieux des choses de ce bas monde, sauf en deux choses. Non, deux choses. Il a dit, talab al-ilm, le fait de demander la science et l'appliquer, hein, et la deuxième des choses, la richesse qui sert les musulmans, qui est utile aux musulmans. Il a dit seulement ces deux choses, le prophète a permis d'envier les gens pour ces deux choses. Toutes les autres choses, c'est interdit d'envier les choses, d'envier quelqu'un pour une chose de la dunya. Sauf ces deux choses. Elles sont là dans la dunya, mais c'est permis de ce qu'on appelle en arabe le hasad, l'envie. L'envie. C'est permis d'envier quelqu'un s'il a quoi? S'il a de la science religieuse et moi je ne l'ai pas. Et c'est permis aussi si quoi? S'il a de l'argent, par exemple, et des biens qu'il utilise bisabillah. Quelqu'un qui a de l'argent, qui construit des mosquées, qui marie des gens qui veulent se marier, qui envoie des gens à l'étranger pour se soigner. Quelqu'un qui, avec son argent, envoie des gens au hajj. C'est permis dans ton cœur de ressentir que, ah, si j'avais, j'aurais fait comme lui. Ah, si j'avais gagné de l'argent comme lui, les moyens comme lui, j'aurais fait comme lui. Ça, c'est permis. C'est permis aussi de dire, ah, si j'avais la science de telle personne, j'aurais fait la da'wah comme lui. J'aurais été à la mosquée faire des cours. J'aurais fait des cours entre des sœurs, si je suis une sœur. J'aurais fait des cours chez moi en invitant les sœurs. Je leur explique c'est quoi la sunna, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Ça, c'est permis. Non. D'après le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la hasad, pas d'envie, illa fi itnatayn, sauf en deux choses. رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق الله تعالى دوني à une personne des biens et des employés في سبيل الله نعم ورجل أتاه الله حكمة et une autre personne الله تعالى lui a donné la science et la sagesse فهو يقضي بها ويعلمها il l'applique il travaille avec et l'apprend aux gens ce hadith qui se trouve dans Sahih Tirghib du Cheikh Al-Albani numéro 75. Parmi les mérites aussi de la science religieuse, أَنَّ الْعِلْمَ نُورٍ يَسْتَضِيءُ بِهِ الْعَبْدُ فَيَعْرِفُ كَيْفَ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَكَيْفَ يُعَامِلُ غَيْرَهُ فَتَكُونُ مَسِيرَتُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ. Parmi les mérites de la science religieuse, c'est que la science religieuse est une lumière. Lumière avec laquelle le serviteur va s'illuminer. Il va s'illuminer. Alors il saura comment adorer son Seigneur avec clairvoyance et comment se comporter avec la société et les gens avec clairvoyance aussi. Donc tout son chemin, la vie qu'il passera, sera quoi? Sera basé sur la science et la clairvoyance. Donc le savant, mashallah, celui qui a la science, il adore Allah Ta'ala avec les délits. Il l'adore avec clairvoyance. قل هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا من تبعني comme dans le verset. Donc celui qui a de la science, subhanallah al-azim, le savant, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et avec science. C'est pour ça que tout est clair devant lui. Il voit dans l'obscurité. C'est pour ça que le savant ne revient pas marche arrière et yani, ne tourne pas les talons. C'est pas comme nous qui ne sommes pas des savants. Tu peux trouver quelqu'un, mashallah, l'ahya, la barbe, mashallah, peut-être jusqu'au nombril. Le qamis, mashallah, là. Ensuite, tu le perds une année de vue ou là. Ensuite, on te dit, il a tout jeté, il est dans les bars, ou l'ayad ou billah. Allah, non, mais dans les bars. Là. Et l'autre, elle était avec le djilbab, elle a tout jeté, là. Et maintenant, avec elle, la mini-jupe, ou l'ayad ou billah. Pourquoi? Il n'y avait pas de science. Non, pas de science. Rien. C'était juste, il y a une année, la mode, elle suivait la mode. C'est juste un peu de dynamisme. Tout le monde est dans le din. Moi aussi, je suis dans le din. rien appris. Ou alors si elle a appris sans sincérité, sans sincérité. Par contre, les savants, est-ce que vous avez entendu qu'un savant, par exemple, a tout jeté et a retourné les talons? Vous avez entendu qu'un grand savant, le Cheikh Al-Albani, ou le Cheikh Ibn Uthaymin, ou là, yani, il a tourné les talons, on a doublé. Ça n'arrive presque jamais. Non. Pourquoi? C'est ils sont sur la lumière. Non. Ils savent qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec lumière et clairvoyance. Mina. Parmi aussi les. Je disais parmi les mérites. Parmi les mérites de la science aussi. Parmi les mérites de la science. أن العالم نعم نور يهتدي به الناس que le savant c'est une lumière non seulement pour lui mais pour les gens يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم pour les gens c'est une lumière نعم il les aide dans leur vie et dans l'au-delà les deux ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا et ça n'échappe pas aux gens, ça n'échappe pas à la plupart des gens, l'histoire de cette personne des enfants d'Israël qui a tué 99 personnes. Ensuite il a demandé à la rajoulan, il a demandé qu'il cherche quelqu'un pour qu'on lui montre, yani, lui dise la fête, toi comment qu'il va faire pour yani revenir vers Allah, ou là, qu'est-ce qu'il doit faire? On lui a montré qui? On lui a montré un ascète. On ne lui a pas montré un savant. On lui a montré quelqu'un qui, du matin au soir, est en train de prier et de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas quoi? Quand je dis lit, ça veut dire il récite, c'est pas il s'instruit, mais qui n'a pas de science. فَكَأَنَّ الْعَابِدَ اسْتَعْظَمَ الْأَمْرِ. Alors, quand il lui a raconté, il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, qu'est-ce qu'il a? Il s'est étonné. Allah l'adhim. Il a dit, là, il a dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies quoi? Que tu aies une tauba. C'est pas possible que tu aies une tauba. C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala puisse pardonner à quelqu'un qui a tué 99 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de la personne qui est venue demander la fatwa, alors a tué cette personne, a tué cet ascète qui du matin au soir, comme je disais, passait le temps à prier et ne demandait pas la science. Il l'a tué. Donc vous remarquez quoi? Vous remarquez que l'ignorance, ça attire des ennuis et des pépins. Non. Étant ignorant, il lui a dit qu'il n'y avait pas de tauba. Les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fermées. Résultat, conséquence, il a été tué lui-même. Regardez comment l'ignorance attire vers la personne, vers l'ignorant, elle lui attire quoi? Elle lui attire des problèmes, des ennuis. Ensuite, il a été questionné, yani une autre personne est tombée sur un savant. Et le savant lui a dit, Qui peut se mettre en intermédiaire entre toi et ton Seigneur? Qui peut? Non, tu as tué 99 personnes. Et après? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire, ou le peut dire, tu n'as plus de tauba? Il a dit, qui peut? Et il est sorti. Non, seulement il lui a donné la nasiha de changer de pays. Non, et d'aller vers un autre pays, une autre ville où les gens ne te connaissent pas. Car quand on reste dans la même ville, on a toujours des problèmes. Les gens me connaissent, ils savent que j'ai tué 99 personnes, donc du matin au soir, là où je passe, ils vont faire des clins d'œil, ils vont parler derrière mon dos, ils vont ceci, cela. Il vaut mieux donc changer et aller vers une autre ville où personne ne me connaît. C'est même pour nous. Pour nous. Ah, pour nous, yani, quand quelqu'un, dans sa jeunesse, vivait dans une ville, et dans cette ville, il a fait beaucoup de problèmes, et avant de s'appliquer dans le din, faisait beaucoup de péchés, etc., c'est mieux pour lui, si maintenant Allah Ta'ala l'a guidé, et quoi? Qu'il change de ville, qu'il aille vers une autre ville, une nouvelle ville, où personne ne le connaît. c'est mieux pour lui et pour sa tauba. Car pas tous les gens peuvent comprendre, pas tous les gens peuvent concevoir et accepter que cette personne, maintenant en faisant la tauba, a changé. Beaucoup disent, oh, subhanallah, celui-là, je le connais. Celui-là, je le connais, passer sa vie dans la rue, dans les bars et dans ceci, ça. Là, je le connais, c'est un grand escroc. Celle-là, je la connais. Tout le temps, je faisais la zina. Ah, donc, c'est difficile. Pas tout le monde accepte. Mais, allons dans une autre ville où personne ne me connaît. Alhamdoulilah, je suis à l'abri des problèmes. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le savant lui a dit, va dans une autre ville, une nouvelle ville, et adore Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Ou bien, va vers un autre pays. En allant là-bas, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé. Et qu'il est mort à mi-chemin, et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges qui se sont disputés sur lui, et qu'à la fin il est rentré au paradis, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez la différence entre le savant et entre l'ignorant. L'ignorant, non, te ferme toutes les portes de Allah subhanahu wa ta'ala. L'ignorant place dans ton cœur quoi? Place dans ton cœur yani, les chagrins. Non. Dans ton cœur les chagrins au lieu que yani, il t'ouvre les portes de l'aspanade et te les ferme et tu vas voir tout noir devant toi, tu vas dire je vais me suicider, alors que le savant mashallah, alors que tu as fait tous les problèmes du monde, qu'est ce qu'il fait? Il t'ouvre yani muslim alhamdulillah alhamdulillah ya muslim alhamdulillah al-muhim, alors que le savant qu'est ce qu'il fait? Il t'ouvre toutes les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala et te donne toujours l'espoir. Jamais il t'enlève l'espoir. Un moyen. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours puisqu'on est en train de parler de... Non, une seconde, hein? Une seconde. Taïb, je ne sais pas, j'ai peur que je parle sans micro. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Muslim, est-ce que vous m'avez entendu parler du hadith qui parlait de la différence entre la différence qu'il y avait entre le savant? Non, la différence qu'il y avait entre le savant et l'ignorant, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres astres. Est-ce que vous avez entendu ça? Là, subhanallah, je parle de ton micro. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la différence qu'il y avait entre le savant et l'ignorant, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune quand elle est en pleine lune, nam, et les autres astres. C'est sûr que la lune est beaucoup beaucoup meilleure que les autres astres, nam. Ensuite le cheikh dit, si maintenant on a su quelle est la différence entre le savant et l'ignorant, reste à savoir c'est qui le vrai savant. Il a dit هم الربانيون سوسون الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم il a dit ce sont ceux qui quoi qui apprennent aux gens comment y en est appliqué et les éduquent aussi, leur apprennent et les éduquent pour qu'ils soient sur la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils connaissent le Coran et la Sunna, hein, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. On a dit pour que il y ait la différence entre eux et ceux qui se font ressembler à eux. Car, comme on a vu la fois passée, comme il y a les bien-aimés d'Allah et les faux élus, on a dit c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Il y a les vrais savants et il y a ceux qui se font ressembler aux savants alors que ils n'ont rien d'un savant. Il a dit في المظهر والمنظر والمقال والفعل لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. Les faux savants, comment qu'ils se font ressembler aux savants? Ils se font ressembler aux savants en apparence, naam, en apparence, dans le fait de parler, dans le fait de faire aussi, de faire comme les savants. Mais par contre, ils ne sont pas de vrais savants. Où on va voir ça? Ils ne sont pas de vrais savants. Car ils ne donnent pas des conseils aux gens que dans les savants. Ni ils n'aiment la vérité qu'aiment les savants. Vous avez remarqué, vous trouvez des gens qui sont habillés comme des savants. Et ça, il y en a beaucoup. Où? Il y en a beaucoup. Je donne un exemple si tout, je ne veux pas critiquer. Mais on a beaucoup, comme par exemple Al-Azhar, comme Al-Azhar. Il y a beaucoup de gens habillés comme les savants. Habillés, tu le vois comme ça, tu le dis, c'est un grand savant. Par contre, il y a un si tu lui demandes une petite chose, dans le hadith, il ne connaît pas. Dans le hadith, une petite chose, il est plein de hadiths qui ne sont pas vrais. Non. Tu lui demandes une petite chose dans la aqidah, surtout les noms, les attributs, il ne connaît pas, il ne connaît rien. Alors qu'apparemment, c'est un grand savant. Pour les gens, ils disent, oh, c'est un grand savant. C'est un peu comme nous, ici en Algérie. Ici en Algérie, chez nous, on a une émission qui passe comme ça, une fois par semaine à la télé. Ils viennent des gens, ils viennent parler comme ça. Certains même ont étudié avec moi. Ils viennent comme ça se dire des fatwas, que ceci, c'est haram, c'est halal. Alors que si vraiment tu leur demandes des choses sur la religion, ils sont loin comme le ciel de la terre, comme le ciel est loin de la terre. المهم فخياره ما عنده يلبس الحق بالباطل نادي tout ce qu'ils ont au maximum c'est quoi c'est de mêler quoi de mêler le vrai au faux et de lancer des ambiguïtés aux gens bah il te dit comme ça un hadith femme et puis il te laisse comme ça et Annie tu sais pas si comment appliquer ce hadith est-ce que ce hadith est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai hein? Il a dit c'est tout ce qu'ils peuvent avoir ou, comme j'ai dit tout à l'heure, yani le ressembler dans les apparences. Il a dit, c'est ce qu'a voulu dire le mu'allif, c'est-à-dire Muhammad Abdouhab. Il a dit, c'est comme s'il parlait, ou là il voulait yani, pointer du doigt. Les savants de la bida, les savants de la bida qui égarent les gens et qui quoi et qui accusent les gens de la sunna et de la jamaa de choses dont ils sont innocents. Non, il a dit ça, c'est l'héritage de quoi? L'héritage de ceux qui l'ont précédé, des gens injustes. Subhanallah. Les savants, on a vu tout à l'heure, les savants, qu'est-ce qu'ils héritaient? Ils héritaient quelque chose de qui? Des prophètes. Alors que ceux-là, les faux savants, ils héritent de qui? Ils héritent des gens nam, qui ont précédé des gens, c'est-à-dire qui étaient transgresseurs, qui étaient injustes. Nam. Il a dit, et ceux qui ont démenti les messagers, ceux qui ont démenti les messagers, comment dit l'Allah, il a dit, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ذريات 52 ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possible non même Allah Ta'ala dit dans une autre sourate il a dit أتواصوا به بل هم قوم طاغون est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction ou sont-ils plutôt des gens transgresseurs? Non. C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit de lui magicien, possédé, mille et une choses, menteur. Subhanallah l'adhim. Et ceux qui sont venus avant lui, avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit la même chose à leur prophète. La même chose. Alors Allah Ta'ala a dit, est-ce que ils se sont transmis cette chose-là? Est-ce qu'avant de mourir, chacun a dit à ses enfants, voilà ce qu'il faut dire si jamais il y a un messager qui va venir? C'est quelque chose d'étrange. À Tawa sauvé, ils ont fait le testament à leurs descendants de dire cette chose. Comment se fait-il qu'ils disent tous la même chose? La même chose aussi maintenant pour les savants. Les savants, là, toujours, il y a des gens qui disent d'eux des choses qui ne sont pas bien. C'est comme un peu de nos jours. Hein, dès que tu es sur le sauna, ils disent Wahhabi, des extrémistes, ils disent ceci. Comment se fait-il qu'ils disent tous la même chose? Est-ce qu'ils se sont réunis et ils ont dit on va dire cette chose? Non, ils ne sont pas réunis. Mais comment se fait-il qu'ils disent la même chose? La réponse est simple. La réponse se trouve dans le verset sur le Baqara 118, où Allah Ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً أَوْ تَأْتِينَ آيَةً. Allah Ta'ala dit كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah Ta'ala dit et ceux qui ne savent pas ont dit, regardez, ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Pourquoi il envoie un message? Pourquoi il ne parle pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? Pourquoi un signe ne nous vient-il pas? Allah Ta'ala dit, de même, ceux d'avant eux, qui étaient avant eux, ont dit la même chose. Pourquoi? Il a dit, leur cœur se rassemble. Regardez bien ici. Non? Regardez la phrase. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable, leur cœur se rassemble. Subhanallah al-Azim. C'est une question de quoi? C'est une question de ressemblance de cœur, c'est tout. Quand les cœurs se ressemblent, ils disent la même chose. Regardez par exemple El Sunna. Quand ils sont tous sur le minhaj, ils ont un cœur qui se ressemble. Ils pensent tous la même chose. Regardez El Sunna ou Jama'a. Là où ils vont, ce sont toujours le même phénomène, c'est la même, on dirait la même personne. Tous ils disent la même chose. Tous ils réfléchissent la même chose. Ils pensent la même chose, je veux dire dans la religion. Non. Subhanallah. Pourquoi? Allah Ta'ala fait ressembler leur cœur et rassembler leur cœur qui tourne et qui gravite autour, tous autour d'eux, qui t'aident. Sunna, compréhension des plus prédécesseurs. La même chose les autres, les injustes, les tyrans, les gens de la bida, tous Allah Ta'ala a rassemblé leur cœur et rassemblé et gravite autour de quoi? De la bida et le fait de ne pas accepter le haq quand il vient et le fait de jeter des ambiguïtés. Allah puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et raffermir nos cœurs sur le droit chemin et le Coran et la Sunna d'après la compréhension des vieux prédécesseurs. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Avec le mot bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure pour les questions-réponses, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, ya Cheikh. Est-ce que le son est bon pour vous? Inch'Allah. Alhamdulillah. Non, donc je débute les questions. Inch'Allah. Ici, Abou Zakaria est avec vous, Cheikh. Passez-lui le salam, Inch'Allah. Donc, première question. Salam alaikum, Cheikh. Quelle position devons-nous avoir envers la personne de Cheikh Abdullah ibn al-Jibrin? Car nous avons certes lu les critiques bénéfiques de nos savants, cher Rabi', cher Najmi, sur lui concernant ses éloges envers Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et autres, sont très déplacés. Cependant, nous avons pu lire et entendre des paroles de Cheikh Abdelaziz al-Shir, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Abdelkarim al-Khudayr et autres lui faire des éloges après sa mort en disant de lui qu'il était parmi les grands savants. Et ceci, en ayant pris connaissance des propos qu'il a tenus sur Sayyid Qutb et autres. Donnez-nous un conseil, cher. Vous entendez, cher, ou la... Salam alaikum, muslim. Tafadhal, c'est quoi la première question? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-ce que vous avez du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Hafizakum Allah, en espérant que vous alliez bien, Cheikh. Et si le frère Abou Zakaria est avec vous, Vous lui passez le salam, inshallah. Donc la première question, salam alaikum cher. Quelle position devons-nous avoir envers la personne de Cheikh Abdullah ibn al-Jibrin? Car nous avons certes lu les critiques bénéfiques de nos savants, Cheikh Rabi', Cheikh Najmi, sur lui concernant ses éloges envers Sayyid Qutb, Hassan al-Benna et autres. Nous reconnaissons que les positions qu'il a eues sur ces individus sont très déplacées. Cependant, nous avons pu lire et entendre des paroles de Cheikh Abdelaziz al-Cheikh, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Abdelkarim al-Khudayr et autres lui faire des éloges après sa mort en disant de lui qu'il était parmi les grands savants. Et ceci en ayant pris connaissance des propos qu'il a tenus sur Sayyid Qutb et autres. Donnez-nous un conseil, Cheikh, car beaucoup parmi nos frères, qui ne sont ni des savants ni des étudiants en sciences religieuses, disent de Ibn Jibrin que c'est un ikhwan, se basant sur les paroles de notre éminent savant Cheikh Najmi. Disons-nous que c'est un ikhwan ou bien alors un grand savant salafi qui s'est trompé. Tafadhal, Cheikh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La première. La première, c'est que tous ceux qui sont morts musulmans, même en ayant fait des grands péchés, ou pire encore, pire, en ayant fait des bid'as, on dit d'eux, quand on parle d'eux, on dit d'eux, rahimahullah. C'est-à-dire maintenant, moi, si je venais à citer les musulmans, si je venais à citer, normalement je dis Rahimahullah. Pourquoi? Car il est mort musulman. Et cette fatwa, vous pouvez la trouver chez Cheikh Rabi' Hafidahullah. Et j'ai cette fatwa, si vous voulez, Inch'Allah Ta'ala, que je vous la dise, ou là, je vous la donne, là, la Kesh Mouchkine, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour tout musulman qui meurt musulman, on dit de lui Rahimahullah après être mort. Soit qu'il ait fait des grands péchés ou des bidats. Et Cheikh Rabi Allah Hafidahullah a cité le. Et je crois les autres sept. Non. La deuxième des choses. Quant à Abdurrahman ibn Jibril, ou ibn Jibrin, Rahimahullah, ibn Jibrin. Non. Moi personnellement, c'est-à-dire que. Depuis, dans mes études ou bien dans mes. Quand je donnais des conseils ou bien, jamais je ne dirigeais vers lui les gens. Quand j'ai lu qu'il y avait des. Non, qu'il y avait un peu de. Quelques savants qui n'étaient pas d'accord avec lui ou bien qui l'ont critiqué ou bien. Donc j'ai préféré ne jamais dire à quelqu'un, par exemple, lis tel livre ou tel livre de Jibril Rahimahullah. Non. Maintenant, d'après moi, Allahu alam, mais ça c'est juste mon avis, Allahu alam. D'après moi, c'est quelqu'un, c'est un grand savant qui s'est trompé, d'après moi. Je crois que ce qu'il a dit sur Sayyid Qutb, Rahimahullah et les autres, c'était au début. Je crois qu'il avait dit ça au début, et après, quand on lui a fait des reproches, etc., qu'il n'a jamais redit ça. Allahu alam, c'est mon avis. Mon avis, c'est que je crois qu'il a dit ça au début. Et que après, quand on lui a fait des répliques, etc., quoi, il sait, il est abstenu. Et vous avez remarqué, ceux qui lui ont fait des éloges, ce ne sont pas aussi n'importe qui. Ce sont des gens qui sont savants et qui ont lu ce qu'on dit de lui des savants, mais malgré cela, ils le connaissent mieux que nous et lui ont fait des éloges. La personne est morte, Rahimahullah. Maintenant, nous, on devrait penser à nous-mêmes, hein, comment faire, Inch'Allah Ta'ala, pour arriver, comme on dit, à bon port, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le jour où on va le rencontrer. Et le mot, c'est par rapport à lui, c'est que, au moins, s'il a fait ça, peut-être qu'il l'a fait par effort, ou par ijtihad, ou par ceci. Quand on est un savant, on se trompe, ce n'est pas comme un ignorant qui se trompe. Vous connaissez ça. Hein. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala pardonner à tous ceux qui sont morts musulmans et raffermir nos cœurs pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala musulman et sur le minhaj de Al-Sunnah. Tafadhal. Question suivante, cher. Salam alaikum. Comment expliquer que des personnes comme Imran ibn Hittan et Abdurrahman ibn Mulhem, qui était pourtant connu pour avoir de la science, ont-ils pu dévier du bon chemin? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Les deux personnes que tu as citées, je ne vois pas qui ils sont. Non. Est-ce que tu peux me dire ce sont qui? Donc la personne qui a posé la question, Inch'Allah, je lui demande de s'adresser au frère Akh Mohamed 64 et lui dire qui sont ces personnes. Question suivante, Inch'Allah, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barak, bien sûr, quand nous n'avons pas encore l'arabe, en croyant que c'est une traduction d'un savant reconnu. Alors que de l'autre côté du livre, quelqu'un nous glisse ses erreurs. Pourriez-vous nous conseiller une maison d'édition? Jazakumullah khairan, qu'Allah vous récompense. Tfadha cher. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux sans savoir distinguer. Je donne un exemple très simple. Plusieurs livres que j'ai lus à l'Arche. À l'Arche, non, qui est le trône. Non. Quand ils vont expliquer est-il coursé, le coursé, ils vont expliquer en quoi c'est le trône. Plusieurs livres. Même ici, j'ai un livre qui s'appelle Charbon partout chez vous. Non. C'est écrit en français. Quand tu arrives à voici à Coursillon, au lieu de dire le repose-pied, ils disent c'est l'arche. Donc, c'est une grave erreur. Qu'en est-il maintenant dans les autres noms et attributs et il faudrait savoir donc quels sont les livres, plutôt quels sont les traducteurs auxquels il faut lire, et les maisons d'édition aussi, et ceux qu'il ne faut pas lire. Cette question, justement, il faut la poser à quelqu'un qui est de France. Justement, car étant loin de vous, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont ceux qui traduisent. Vous savez que les livres que je lis, la plupart sont en arabe. Sauf les certains livres que j'arrive à avoir comme ça en français. C'est pour ça que vous devez poser une question, cette question à quelqu'un qui est chez vous là-bas. Quelqu'un qui est chez vous, qui est connu dans la science, et connu dans le minhaj, bien sûr. Vous lui posez cette question pour qu'il vous guide, Inch'Allah ta'ala. Si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée, Inch'Allah. Tafadhal. Question suivante. Salam alaikum. Les shayatines sont-ils savants? Les diables peuvent-ils savoir ce qu'il y a dans nos pensées? Car des fois, on projette de faire une bonne action sans même la prononcer, mais nous en sommes détournés. Je voulais savoir si les diables avaient la science de nos pensées. Tfadal cher. Les diables ne peuvent pas, ils ne peuvent pas savoir non, à quoi je pense, mais des fois, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le shaitan a un museau, comme un chien. Il a dit que des fois, il fourre, il essaie de fourrer son museau jusqu'à ce qu'il arrive, yani, à notre cœur, car comme vous savez, vous connaissez le hadith authentique, que la personne, quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous savez qu'elle lave ses mains 3 fois. Et il y a un hadith qui dit qu'elle doit aussi aller, mettre de l'eau dans ses narines et aller faire sortir de l'eau. Le hadith a dit, car le shaitan passe la nuit sur son nez. Le moyen. Donc il fourre lui aussi son nez jusqu'à ce qu'il essaye de savoir hein, ce que tu es en train de penser. Il essaye de hein, savoir à quoi tu es en train de penser. Comme ça, il voit. Si tu as des penchants. Ce que je dis là, l'a cité Ibn Qayyim dans son livre Attendez qu'on s'en fasse. Madalij, c'est pas Madalij, Madalij Shaitan. Non, si je me trompe pas, il s'appelle Madalij, c'est pas Madalij Salikin, c'est l'autre très connu le livre. Madalij, je crois Madalij Shaitan, j'ai oublié, un livre très connu de 3 tomes. Où il a parlé, il a dit que donc le Shaitan va voir. Il essaye de sentir. Yani, quelles sont les penchants que tu as? Il essaye de foncer, hein, ensuite il voit. Si tu as un penchant vers l'alcool ou là, il essaye de t'embellir l'alcool. Tu as des penchants vers yani, le soufisme, il essaye de t'embellir le soufisme. Mais comme ça, et comme ça. Non. Mais qu'il sache, yani, ce que je vais dire ou là, quels sont mes projets alors que je n'ai pas parlé de ça. Non. Il ne peut pas, c'est impossible. Ça rentre dans le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va arriver demain. Mais quand je me parle moi, hein, il essaye de savoir, hein, qu'est-ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce que on a une parole intérieure, comme on a une parole extérieure. Hein. La parole extérieure, il essaye lui de savoir qu'est-ce que tu as à dire à l'intérieur pour voir ton cœur où il est, où il penche. Et si jamais tu dis rien, enfin, tu dis rien, ni intérieurement ni extérieurement, tu peux pas savoir ce qu'on veut. Non. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis rendu compte que j'ai prié plusieurs fois Salat al-Fajr avant son temps. Que dois-je faire? Faut-il que je refasse mes salats? Barakallahu fikoum cher. Tfadal cher. Si ce sont juste quelques salades, 2 ou 3, on refait. Non. Maintenant, si ce sont beaucoup de salades, on refait pas. Mais pour l'avenir, on essaye d'être inshallah de la faire à l'heure. Par contre, si c'est au passé, si c'est juste quelques salades, 3, 4, 5, 6. Mais si c'est ça fait une année ou là qu'il fait ça, c'est impossible de refaire toutes ces salades, idhnaï ta'ala. Ensuite, pour ce qu'a écrit la personne ici, elle a dit. Ibn al-Muljim, et celui qui a tué Ali, Ibn Hittan, celui qui s'est marié avec le Hujr. Tu sais, au moins, le problème, c'est où? Le problème, quand il a dit au début, il a dit, c'est-à-dire, nous, on parlait des savants, et on a dit que les savants, il n'y en a jamais, ils ne tournaient les talons. Ensuite, lui, il a cité ces deux gens, j'ai cru qu'il parlait de savants. J'ai cru qu'il parlait de savants. Sinon, dès que j'ai vu le mot Ibn al-Muljim, Abdurrahman Ibn al-Muljim, j'ai directement pensé, non, à celui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Mais j'ai dit non, j'ai dit celui-là, il parle des savants, il ne parle pas de ceux-là. Donc, Ibn al-Muljim et l'autre, ça n'a rien à voir. Ceux-là, ce n'étaient pas des savants. Non, c'était qui? Enfin, ce sont des Khawarij. Ce sont des têtes de Khawarij, ceux-là. Les Khawarij ne sont pas des savants, ce sont des gens de la bid'a. Ce sont des gens de la bid'a. Quand quelqu'un a beaucoup de science et qu'il est dans la bid'a, on ne dit plus de lui un savant. On dit un savant dans telle chose. Un savant dans la bid'a, un savant chez les Ikhwan, un savant chez les Ahbash. On ne dit pas un grand savant comme ça de lui. Non. Pardon. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis endetté, j'ai des retards de loyer et des factures impayées. Mes proches ne pouvant pas m'aider, j'ai dû me rendre chez une assistante sociale. Celle-ci m'envoie vers différents organismes qui pourront peut-être m'apporter un soutien financier pour cette fois. Le problème, c'est que je dois me rendre au Secours catholique, entre parenthèses, association chrétienne, pour une de mes factures d'entretien de la chaudière. Car seuls eux s'occupent de leur règlement exceptionnel pour les démunis. Est-ce qu'il m'est permis de me rendre dans l'un des centres de leur association et m'est-il permis d'accepter le règlement de cette facture de leur part? Tfadal cher. Le livre dont je parlais de Ibn Qayyim s'appelle Irathatul Lahafan. Irathatul Lahafan min masayid shaytan. Tfadl, comment t'appelles, l'akh muslim. Jazakallahu khayran, si c'est possible, Répète, car j'étais en train de lire la liste des livres d'Ibn al-Qayyim quand tu étais en train de lire. Très bien. Pas de problème, cher, je vous la relis, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis endetté, j'ai des retards de loyer et des factures impayées. Mes proches ne pouvant pas m'aider, j'ai dû me rendre chez une assistante sociale. Celle-ci m'envoie vers différents organismes qui pourront peut-être m'apporter un soutien financier pour cette fois. Le problème, c'est que je dois me rendre au Secours catholique, entre parenthèses, association chrétienne, pour l'une de mes factures d'entretien de la chaudière, car seuls eux s'occupent de leur règlement exceptionnel pour les démunis. Est-ce qu'il m'est permis de me rendre dans l'un des centres de leur association et m'est-il permis d'accepter le règlement de cette facture de leur part? Tafadhal cher. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand le chrétien ou le juif, par exemple, il veut m'aider en une chose, il veut m'aider en argent, ou payer mon loyer, ou m'acheter une voiture, ou là, tout ça c'est fermé. Tout ça c'est fermé, ça rentre pas dans le fait de, yani, s'il me donne une chose pareille, que ça veut dire je l'aime avec mon cœur et j'aime sa religion, etc. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une question de quoi? C'est une question de dunya. Mais, bah d'abord j'ai une question. Est-ce que cette sœur, quand elle va aller chez les associations, est-ce qu'elle est forcée de passer par celle-là? C'est-à-dire, elle ne peut pas la sauter. Elle ne peut pas sauter cette association. Il faut qu'elle passe par toutes les associations à Diwahda. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani rahimahullah, Cheikh Al-Albani rahimahullah, j'ai lu une fatwa de lui. Même pour l'argent, il y a les aides qu'il y a dans les pays kofa, comme ce qu'on appelle l'arami, je ne sais pas quoi, il dit que ce serait mieux pour un musulman s'il pouvait ne pas prendre cet argent. Il a dit plutôt. Il a dit pourquoi? Pour ne pas montrer que quoi? Que je dépends d'un autre, je dépends de quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est pour ça qu'en islam, on a dit que ce n'est pas permis de travailler des travaux qui avilissent. Comme je vais lui cirer ses souliers, je vais lui laver, lui faire le ménage, je vais faire un café. Ça avilit le musulman. Donc je dis, premièrement, la sœur doit voir est-ce qu'elle peut sauter cette association. Maintenant, si elle va dire je ne peux pas sauter, que je suis vraiment dans le besoin, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, si maintenant un chrétien t'aide, même, et que ça ne va pas aller aux dépens de ta religion. Naam, que Inch'Allah Ta'ala, ça rentre dans Yamin Mu'amalat et que ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé de l'aide d'un chrétien qui, d'un kafir, yani, je veux dire d'un mouchrik, pas d'un kafir. C'est plus qu'un mouchrik, c'est plus qu'un chrétien. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqat. C'est lui qui lui a demandé et l'aider pour qu'il sorte de qui? On sort de la Mecque vers Médine. C'est lui qui l'a guidé. Et le prophète Hassan l'a payé, bien sûr. Il l'a guidé. Donc, il lui a demandé de l'aide. Donc, quelque chose de vraiment. Ça rapporte même avec le dîn. Montre-moi comment je me sauve et je sauve mon dîn. Donc, qu'en est-il maintenant si juste il va m'aider un peu d'argent ou. Mais, tant que le musulman peut ne pas avoir recours, qu'il le fasse passer mieux. S'il est dans la daroura, c'est autre chose, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala, ta'lam. Et quand j'ai dit bien sûr que le mouchrik c'est pire que le chrétien, vous savez qu'Allah ta'ala, quand il parle dans le Coran, il dit mouchrik, il dit mouchrik ou les mouchrikines, il n'est pas en train de parler des chrétiens. Quand il parle des chrétiens, il dit ahlul kitab. Jamais il n'a dit mouchrik, mouchrikoun, en parlant de qui? En parlant de les gens du livre. Il dit, ils font du shirk, d'âme. Mais quand il dit el-mouchrikoun, il parle de qui? Il parle des Arabes qui faisaient le shirk. Très bien. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya cher. Nous savons que la charia appose au père que ses filles soient voilées lorsqu'elles sortent, qu'elles ne sortent pas maquillées, etc. Cependant, quelles sont les limites que se doit de respecter le père lorsqu'il s'agit d'empêcher sa fille de sortir dévoilée, etc., sachant que celle-ci s'obstine absolument à sortir? Barakallahu fikoum ya cheikh. Tfadal cheikh. مسلم بارك الله فيك، هل من ممكن يعني ك disons tu me réponds cette question en d'autres termes, je n'ai pas compris. Pas compris si elle est voilée ou là, elle n'est pas voilée ou là, j'ai pas bien compris. تفضل. Non, mon cher, il dit que la charia impose au père que ses filles soient voilées. Walakin, il dit, lorsque les filles s'obstinent et ne veulent pas donc se voiler et malgré cela sortir, donc sortir sans le voile. Il demande en fait quelles sont les limites de ce père par rapport à ses filles qui s'obstinent donc à sortir sans le voile. Tafadhal cher. Vraiment là, yani, c'est un cas vraiment, comme on dit, pertinent. Yani, ce n'est pas facile pour un père que d'accepter que sa fille sorte non voilée. Ça, c'est vraiment yani, la dernière des choses qu'un père puisse accepter. Qu'un père musulman qui a un cœur vivant, pas un cœur mort. Il y a des musulmans, mais seulement de nom. Et sa fille, elle lui dit qu'aujourd'hui, je vais passer la nuit avec quelqu'un, il sourit, il lui dit bonne chance, je ne sais pas quoi. Astaghfirullah. Donc moi je parle de celui qui a un cœur vivant. Le musulman qui a un cœur vivant, ne permet pas bien sûr que sa fille sorte yani, sans le voile. Ce qu'il peut faire aussi, c'est que s'il dit je peux pas, etc., c'est difficile, il peut dans ce cas, yani, au moins minimiser les dégâts. Minimiser les dégâts, c'est-à-dire qu'elle sorte avec un voile qui n'est pas un jilbab, qui est tout juste un hijab, c'est mieux que par exemple, elle sorte avec une jupe. Comprenez? Et si elle sort avec une abaya, c'est mieux que de sortir avec une jupe et comme ça. Donc il voit comment minimiser les dégâts, au moins que devant Allah, il a fait ce qu'il a pu faire. Tout en se désavouant de ce comportement. Maintenant, s'il a les moyens, bien sûr, que yani, il se désavoue, yani, tout à fait, à 100%. Non, tu mets pas le voile ou là, yani, maintenant, là, c'est terminé entre nous. Terminé entre nous. Sinon, yani, qu'il accepte comme ça, yani, que sa fille sorte, et que dans son cœur, yani, il est content ou là, il s'en fout. Cela est très difficile demain lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, lui, il dit, inshallah ta'ala, de faire le maximum. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, quand c'est impossible qu'il y ait une lumière parfaite, on accepte alors de la lumière avec quoi? Avec l'obscurité. Vous comprenez? Quand c'est impossible que j'ai seulement de la lumière. Alors ça fait rien, j'accepte la lumière avec un peu d'obscurité. C'est mieux que l'obscurité totale. Obscurité où il y a lumière, c'est mieux que l'obscurité totale. Si je ne peux pas yani, la forcer à ce qu'elle mette le djilbab, etc., au moins je la force à ce qu'elle mette yani, quelque chose qui quoi? Qui cacherait tout son corps. Quelque chose qui cacherait tout son corps, quelque chose qui cacherait ses cheveux. Yani, je fais ce que je peux de mon mieux. Et je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes témoin que j'ai pas pu faire plus que cela. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense cher pour tout ce que vous faites pour nous, ainsi que les admins. Je vis avec ma mère et mon beau-père. Quant à mon père, il est parti vivre à l'étranger depuis 11 ans, et cela fait bientôt 7 ans que je ne l'ai pas revu. J'entretiens des relations avec lui par téléphone une à deux fois par mois. Par respect, alhamdoulillah. Mais il ne me connaît qu'en surface. Il ne sait pas que je porte le djilbab et que je suis chez moi. Et que suis chez moi? Et quel est mon minhaj, etc. J'évite de rentrer dans les détails avec lui pour que l'on continue à avoir une relation. Mais mon père n'a rien prévu pour moi niveau mariage. Il voudrait juste que je fasse des études sans arrêt. J'ai un frère salafi à l'étranger. Cependant, c'est dur pour lui de me trouver un mari car mon père n'aime pas les gens sur la sunna et il est très dur avec ça. J'aimerais avoir vos conseils, cher, pour adoucir mon père et me marier. Barakallahu fikoum, cher. Tfada, cher. En fait, c'est malheureux qu'il y ait des pères pareils. C'est malheureux qu'il y ait des pères qui sont loin de leurs enfants, et au point ils savent même pas ni ce qu'ils font, ni comment qu'ils vivent, ni s'ils sont musulmans ou pas, ni... Subhanallah, Allah al-Musta'an. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah subhanahu wa ta'ala al-Musta'an. Non. Donc, la fille a dit, elle continue à entretenir quand même des liens avec son père, car même s'il devient chrétien, même si son père, l'Aqdallah, devient chrétien, elle doit, quoi, continuer à avoir des liens avec lui, et avoir un bon comportement avec lui, même, même si j'ai dit, même s'il a apostasie. Al-Muhim. Maintenant, lorsque viendra le bon moment du mariage, elle verra comment. Ou bien, c'est lui qui la marie, même si c'est de loin par Internet, par un téléphone, comme a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Ou bien, il donne la tutelle à son frère. Ou bien, elle lui soustrait, yani la tutelle, pour qu'elle donne, yani à son frère, et son frère, peut-être que, yani il assistera au mariage, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Mais ce que je lui conseille, c'est subhanallah, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et de faire des doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sait ce qu'il y a dans les cœurs, et il ne laissera pas une personne qui est sincère avec lui et lui fera une solution tôt ou tard, bi'iznillahi ta'ala. Tôt ou tard, il lui fera une solution, bi'iznillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah azawajal vous préserve, cher. Concernant la prière de la femme, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui est de cacher ses pieds durant la prière. Donc à chaque fois que je prie, je mets une longue robe avec chaussettes, mais de temps en temps, lorsque je m'incline, la robe se relève un peu et on voit le bout de mes pieds. Est-ce que ma prière est quand même valide? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Non, même en prenant l'avis de Cheikh Al-Albani rahmahoullah, qui dit qu'elle doit cacher ses pieds, et c'est, je crois, l'avis le plus juste, d'après le hadith de Salama, quand on a dit Allahu Ta'ala, quand on lui a posé la question, comment faisiez-vous la prière au temps du prophète, alayhi salam, elle a dit, avec un khimar, et quoi? Elle a dit une abaya, c'est-à-dire quelque chose qui commence par les épaules, par la tête. Elle a dit, et derrière. On dit en arabe dera, elle a dit, c'est-à-dire abaya. Elle a dit dera qui commence des épaules jusqu'à ce qu'il cache les pieds. Elle a dit comme ça, il cache les pieds. Yurayib anil qadamin. Donc je dis, même en prenant cet avis qui est le plus fort, que on doit cacher ses pieds lors de la prière, c'est-à-dire les femmes. Maintenant, si on s'incline ou bien on se prosterne et qu'il y a, yani, un endroit de nos pieds qui devient visible. Si maintenant dans la position où on est, on peut le cacher, on le cache. Si on ne peut pas, ou bien on n'a pas remarqué, et yani, il a été visible, et même si un homme l'a vu, il a été visible, la salat est toujours valide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Hein? Je n'avais pas su qu'il était visible, ou bien il a été visible, mais j'ai pas pu le cacher, il n'y a pas comment. En ce cas, la prière est valide, inshallah ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakumullah wa barakallahu fikou pour tout le bien que vous nous apportez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde al-Jannah, al-Firdaws, al-A'la, ainsi qu'à tous les musulmans. Bismillah. J'ai une proposition de mariage et un de mes mahrams veut m'offrir le Hajj, Inch'Allah. Ma question est, puis-je poser comme condition au frère qui souhaite m'épouser qu'il me laisse faire mon Hajj avec mon mahram? Et si ce frère refuse, que dois-je faire, sachant que c'est une opportunité que je n'aurai peut-être plus? Accepter son refus et me marier avec lui ou aller au Hajj et refuser la demande en mariage? J'aimerais, cher, que vous m'éclaircissiez là-dessus. Jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Non, elle peut faire comme condition qu'il la laisse aller avec son mahram au Hajj. Et si c'est un frère et un bon frère, et un frère, inshallah ta'ala, mashallah, je ne pense pas qu'il refuserait, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant, si jamais il refuse, on va voir, pour pouvoir lui répondre, on va voir. Est-ce qu'elle est du genre? Elle est du genre qui a les prétendants. Il y a des sœurs qui sont du genre qui n'ont pas de prétendants. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles sont pas connues du tout. Ou alors dans des endroits où il n'y a pas de prétendants. Ou alors elle a un empêchement. Son père n'est pas bien, par exemple, ou sa mère. Donc si les prétendants n'aiment pas, même si elle est bien, mais n'aiment pas ce genre de famille. Maintenant, on va voir si elle est le genre qui a des prétendants et qui, de l'autre côté, n'a pas peur des fitnas, hein, je lui conseille d'abord d'aller au Hajj. Quand elle revient, elle aura tout le temps, inchallah ta'ala, de se marier. Et si elle est le genre, hein, que, yani, c'est difficile pour elle le mariage, et c'est, yani, alhamdoulilah que cette personne s'est présentée maintenant et peut-être que après on n'aura plus, ou alors c'est difficile, dans ce cas, inchallah ta'ala, hein, elle se marie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution. Mais sinon, c'est le hadith, c'est très important. Car le hadith a dit quoi? A dit que, yani, il a dit, hâtez-vous et pressez-vous pour aller au hadith. Il a dit, on ne sait jamais que, yani, l'occasion, qu'il y ait des empêchements et qu'il n'y aura pas d'occasion. Naam, tafadhal. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Cher, pourriez-vous me dire si j'ai le droit de porter un jour le hijab et un jour le djilbab? Je porte actuellement le hijab avec abaya et grand khimar. Et j'aimerais mettre le djilbab, mais j'ai peur de regretter. Donc j'aimerais savoir si je peux porter les deux en attendant de m'habituer définitivement au port du djilbab seul ou non. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous place au Firdaous. Tfadal, cher. Premièrement, je dis à cette personne, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, raffermir ton cœur, que en mettant le djilbab, inshallah ta'ala, tu ne vas pas regretter. Pourquoi? Car ta cause est pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala et wujhihi. Subhanahu wa ta'ala, son visage, lui seul, lui seul. Je ne vais pas le mettre à cause des voisins, ni à cause de mes amis, ni à cause de X ou Y. Je vais le mettre car Allah ta'ala l'a imposé. Ensuite, je n'ai pas d'autre choix. Je dois le mettre. Non. Donc, Allah Ta'ala l'a imposé. Moi, il faut que je vainque, yani, mes passions, mes désirs, mes ceci. Je ne me commande pas. Allah Ta'ala qui m'a créé, c'est lui qui m'a demandé ou l'a ordonné de prier, de faire la zakat, d'aller au hajj, de faire le jeûne et de mettre aussi le djilbab. Donc, je n'ai pas d'autre choix. Je le mets, inshallah Ta'ala. Allah Ta'ala, yani, m'aidera. Ce sera difficile les deux premières sorties, deux ou trois premières. Ensuite, ça va être normal, tout à fait normal, à 100%. Et pour toi, et pour tous les gens. Pour tous les gens qui t'ont jamais vu avec le djilbab, ça va être très normal. Non, ça va être très normal. C'est pour ça, inshallah ta'ala, je te conseille, inshallah ta'ala, de le mettre, non, ou toi qui es Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ton cœur et de remplir et remplir ton cœur de bonheur, inshallah ta'ala. Maintenant si Annie, tu risques de tu sais que tu ne vas pas le mettre, tu dis non, c'est difficile, j'ai pas encore la foi et ceci cela, hein, il vaut mieux Annie, puisque tu dis que tu peux le mettre et puis l'enlever, le mettre et l'enlever, toi, mets-le et essaye. Mets-le et essaye. Et tu verras qu'inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre quelque chose sur ton cœur. Et tu verras que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, que dans cette vie, avant l'au-delà, yani, il descend des choses dans le cœur, la sérénité, la rahma, l'apaisement. Tu verras, inch'Allah ta'ala, le bonheur que tu trouveras, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quel conseil pour celui qui est en quête de savoir et les pièges à éviter? Méthode, apprendre l'arabe ou le Coran ou les livres des ulama en premier. Comportement, modestie, etc. Et une suggestion, cher. Serait-il possible d'étudier Tesfiya wa Tarbiya, le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, car il n'existe pas en français? Barakallahu fikoum, cher, ainsi que les admins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter encore longtemps de cette ni'ma qu'est sa science. Tfada, cher. Pour les doigts, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala généraliser ces doigts sur toutes les personnes qui sont avec nous sur le salon. Pour la science, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le chemin de la science, c'est un chemin yani, long. La science n'est pas yani, quelques mois ou quelques années, on va dire là, j'ai de la science, j'arrête. Il n'y a pas un niveau où on doit s'arrêter. Car chaque jour que tu apprends, chaque jour que tu apprends, tu dis quoi? Tu dis, Allah, je suis ignorant. Et le contraire. Et le contraire. Si jamais tu restes comme ça sans apprendre, tu vas croire que tu es le plus grand savant. Non. Si tu habites à Lyon, et ça fait 4 ou 5 ans que tu n'as lu aucun livre, tu vas dire, je suis le savant de Lyon. Il y a des gens qui ont des fatwas qui viennent chez moi. Alors que ça fait 5 ans que tu n'as lu aucun livre. Subhanallah al-Azim. Shaitan, comment il fait? Et par contre, quand tu commences à lire, et lire jour et nuit, et écouter les cassettes, et faire des efforts, et à chaque fois que tu apprends, tu dis, Subhanallah al-Azim, j'étais vraiment dans l'ignorance. Je suis vraiment ignorant. Il reste beaucoup de choses à apprendre. C'est une mer qui n'a pas de fond. Une mer qui n'a pas de fond. Plus tu descends, plus yani, c'est encore possible de descendre, il n'y a pas de fond. Ensuite, quand on demande la science, on doit la demander, comme j'ai dit, d'abord sans arrêt, ensuite avec sincérité. Je demande la science, le but que c'est pour connaître mon Seigneur et l'adorer avec clairvoyance. Je ne mets pas dans l'idée que je veux apprendre la science. Pourquoi? Pour y aller faire des cours sur le pastor, par exemple. Là, non, j'apprends la science pour gagner le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après, si j'ai un bon niveau et que je peux apprendre aux gens, mashallah, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le premier but. C'est un but qui viendra, une conséquence. Non. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre la science et de la garder pour soi? Si je ne la montre pas à ma famille, à mes voisins, à mes copains, à quoi ça sert d'apprendre? Mais je dis, ce n'est pas le but. Le but essentiel, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer, et de l'adorer. Voyez, j'arrête ici quelques secondes pour te redemander, musulman, donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Rappelle-moi, c'est quoi la question? Non, cher, il demandait les méthodes d'apprentissage avec les conseils que vous donnez à celui qui est en quête de science. Et il avait donc également fait une suggestion par rapport à l'étude des livres Tesfiya wa Tarbiya de Cheikh Al-Albani rahimahullah, car il indique qu'il n'existe pas en français, uniquement en arabe. Donc il demandait les méthodes, le comportement, la modestie, etc. sur la quête. Tfadal, Cheikh. Non, pour la quête de la science. Donc, c'est comme je disais. Et faire ici une petite parenthèse, ouvrir une parenthèse, pour dire à mon frère que il n'y a pas un livre. Il n'y a pas un livre de Cheikh Al-Albani en arabe qui s'appelle Tasfiya wa Tarbiya. Mais Tasfiya wa Tarbiya, c'est le minhaj. Le minhaj de Cheikh Al-Albani. Tasfiya, ça veut dire on va filtrer. Ils ont le filtrage. Tasfiya et Tarbiya, l'éducation. C'est un minhaj que Cheikh Al-Albani, on peut dire, a inventé. inventé, c'est-à-dire de nos temps. Il a dit, maintenant, autrefois, il a dit au temps du prophète Aslam et des grands savants, c'était clair. La Sunna, était, mashallah. Ensuite, avec les sectes et les gens qui sont rentrés en islam de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, ils ont amené avec eux des habitudes, des hadiths faibles, des hadiths. Ensuite, l'islam, disons, la Sunna du prophète Hassan surtout, la compréhension du Coran, s'est mélangée avec, yani, avec les mentalités de ces gens, avec les coutumes de ces gens, avec. Avec Thaqafa, comment on dit Thaqafa? Vous savez comment on dit Thaqafa en français? C'est pas l'éducation, c'est. Je cherche le mot en français. Thaqafa. La culture, avec la culture des gens. Alors, Cheikh Al-Bayyad dit maintenant, comment faire pour apprendre aux gens l'islam? L'islam est tout mélangé, la Sunna est tout mélangé, les habitudes, etc. Il a dit, on va faire deux choses. On va faire le filtrage. On va filtrer cet islam pour faire sortir le faux du vrai. Les vrais hadiths du faux. Les vrais sunnahs des bid'ahs. Donc il a dit tasfiya. Filtrage. Maintenant que j'ai filtré, parce que je sais que voilà ce qui est juste, voilà ce qui est faux. Qu'est-ce que je fais? J'applique. Tarbiya. Je commence à appliquer et à m'éduquer sur ce que j'ai appris. À quoi ça sert que je sache que le prophète Aslam mettait le siwak avant de faire la prière. Et moi, je ne fais pas le siwak. Que le prophète Aslam mangeait de trois doigts. Et moi, je mange avec cinq doigts. Que le prophète Aslam, par exemple, faisait telle chose. Et moi, je fais le contraire. Donc, à quoi ça sert? J'ai fait le filtrage. Pour apprendre, et quand j'ai appris, je n'applique pas. Il a dit, tarbiya. Donc, tasfiya tarbiya, je ne connais aucun livre qui s'appelle tasfiya tarbiya, mais c'est le minhaj. Le Cheikh Al-Bayyad rahimahoullah, il dit, on va filtrer, ensuite on va appliquer. Filtrer et appliquer, si je puis dire. Et ensuite, je veux dire aussi à ce frère que quand on va apprendre, inshallah ta'ala, sache que, yani, le fait d'apprendre le Coran, tout le Coran, par cœur, n'est pas une obligation. N'est pas une obligation. Tu peux apprendre, par exemple, yani, quelques sourates. Et puis c'est une chose, tu as devant toi vie. Tu as 20, 30, 40, 50 ans pour apprendre. Non. Mais le plus important, c'est d'apprendre la science, d'apprendre la aqida, d'apprendre le fiqh, comment prier, comment faire le hajj si tu vas aller au hajj. Quelles sont les règles du jeûne? Quelles sont les règles de l'égorgement si tu vas égorger? Quelles sont les règles du mariage si tu vas te marier? Et comme ça. Tout en étant, comme tu as dit, modeste. Et on ne peut être modeste que si on cherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui cherche avec la science le visage d'Allah ta'ala, elle devient modeste. Et toute personne qui cherche avec sa science comment montrer aux gens que j'ai appris, que j'ai de la science, je suis un savant, c'est-à-dire faire l'ostentation, toutes ces personnes ne peuvent jamais être modestes. Jamais. Au contraire, elles font de l'ostentation. Il faut que les gens les voient, car ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'était à choisir entre apprendre, pas pour Allah, et rester ignorant, en étant yani sincère avec Allah, je préfère rester ignorant. Je préfère rester ignorant en étant sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala que d'étudier la science pour faire de l'ostentation. Car les trois premières personnes qui vont être jetées à l'enfer, Yom al-Qiyamah, c'est qui? D'après le hadith de Abi Huraira dans Muslim, mais aussi Bukhari, c'est qui? C'est entre les trois, c'est la personne qui a demandé la science, mais pas pour le visage d'Allah. Et les deux autres, la personne qui dépensait son argent aux pauvres, mais pas pour le visage d'Allah. Pour qu'on dise d'elle, elle est généreuse. Et la première, pour qu'on dise d'elle, elle est savante. Et la troisième, la personne qui est allée au djihad, mais pas pour Sabillah, pour que les gens disent d'elle, Masha'Allah, comme elle est courageuse. Donc les trois personnes faisaient l'ostentation, puissent Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tafadhal. Ah, question suivante, cher. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ahsan Allahu ilaykoum. Je viens à vous afin que vous nous fassiez nasiha, inshallah. Voici ma situation actuelle. Je suis marié, walhamdoulillah, mais je ne vis pas encore avec mon mari. Au début, on s'appelait souvent, mon mari et moi, puis il ne supportait plus. Maintenant, on a trouvé un compromis. Maintenant, nous avons trouvé un compromis, c'est de s'appeler 3 fois par jour. Alhamdoulillah, mais mon mari est quelqu'un de nerveux. Il s'énerve beaucoup et met la faute sur moi. Parfois même, il dit des injures et éteint son téléphone ou ne répond plus à mes appels. J'ai parfois l'impression qu'il me délaisse car je ne le vois pas tous les jours. Car je ne le vois pas tous les jours et quand il me fait ça par téléphone, je sens qu'il me délaisse et parfois même qu'il oublie que je suis son épouse. Cela m'attriste beaucoup et me rend malade. J'aimerais trouver une issue favorable et qu'il prenne du temps pour moi, pour me parler, prendre de mes nouvelles, car ceci est mon droit et son devoir. Quel conseil pourriez-vous donner à mon mari et moi-même? Quel comportement devrais-je adopter quand il s'énerve et quand il me raccroche au nez? Dois-je cesser de l'appeler un petit moment? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Donc, Abdullah, c'est sûr qu'il m'a pas vu. Al-Mohim, je veux dire que c'est dommage. C'est dommage chez vous. Et je l'ai remarqué là, maintenant que ça fait longtemps que je vous donne des cours, c'est-à-dire que je suis avec vous. C'est dommage que beaucoup de sœurs chez vous se marient mais restent chez elles. C'est très dommage. Chez nous, ça n'existe pas ça. Quand quelqu'un se marie, il doit être avec sa femme. Maximum peut-être une semaine ou 10 jours chez elle. Non, ou un mois, le temps qu'il se prépare. Mais rester comme ça, j'ai entendu plusieurs fois que la soeur, elle te dit, ça fait une année qu'on est marié, ou 2 ans, et moi je suis chez mes parents, lui chez ses parents. C'est pas ça le vrai mariage. Non, le vrai mariage, c'est là où ils sont ensemble, tout le temps, tout le temps. Sauf, il y a des cas spéciaux, ils voyagent, ou là, ils vont au Hajj, ou là, ou là. Al-Muhim. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le défaut aussi, quand on n'est pas ensemble, et qu'elle est chez elle, et lui chez lui, c'est que lorsqu'ils commencent à se parler au téléphone, là, ensuite, on commence à découvrir l'un, chacun découvre chez l'autre des défauts. Elle dit, c'est là beaucoup, lui dit, elle est ceci, elle est cela. Quand il commence à se trouver des défauts, et là, il y a un, si je puis dire, avant qu'il ne consomme le mariage, que ne vienne la fête, etc., il commence à y aller se lasser l'un de l'autre. Ils ont beaucoup parlé au téléphone, ils ont parlé de choses vraiment, hein, peut-être ils sont allés loin. Ils ont beaucoup discuté, beaucoup ri, beaucoup gras. Classe. Ils ont maintenant presque marre l'un de l'autre. Maintenant, le mariage commence à perdre son charme. Hein? Commence à perdre son charme. Tandis que quand il se marie, sans qu'il lui parle, sans que ceci, sans cela, hein? Il n'attend que, le temps de la rencontrer. Elle n'attend que cela. Ensuite, ils sont heureux la première semaine. Ils se découvrent. Hein? Ils découvrent le caractère de tout. Commence à s'aimer, à ceci. Maintenant, quand je me marie, quand elle est chez elle et chez moi, tout le temps, on est en train de parler au téléphone du matin au soir. C'est pourquoi je dis à cette soeur, quand elle dit qu'il commence à s'énerver, etc., là, tu peux, et de temps en temps, et aller fermer ton téléphone. Ce n'est pas obligé de parler tout le temps et beaucoup, et surtout quand la personne est énervée, ça risque de l'énerver encore plus. Il faudrait, Inch'Allah ta'ala, comment trouver, yani, comment s'arranger, bi-iznillah, au maximum. S'arranger au maximum, que quand le mari s'énerve, yani, essayer de trouver. C'est pas, yani, rouspéter, crier, lui dire, pourquoi tu dis ceci, cela. Mais au contraire, c'est comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yani, quand quelqu'un, yani, s'énerve, s'il est debout, il s'assoit, s'il est assis, yani, il se met sur son flanc. Non. Et comme on dit aussi les savants, yani, s'il va faire le wudu, c'est encore mieux. Ou alors si c'est un homme, il sort, et il revient après. S'il reste à la maison, peut-être que ça va aller plus loin. Non. tout en sachant que ce qu'il y a entre les couples, yani comme dispute, comme incompréhension, comme ça, il y aura toujours jusqu'à la fin du monde. Il faudrait que vous sachiez ça. Il y aura toujours jusqu'à la fin du monde. Mais il faut essayer de minimiser au maximum, c'est tout. Il faut, si maintenant les gens se disputent une fois par jour, moi je vais essayer de me disputer une fois par mois. Si tous les gens se disputent une fois par mois, moi qui suis pratiquant, mashallah, et celle là, j'essaie une fois tous les 3 mois. J'essaie de repousser au maximum. Et vous savez que le fait de repousser, le fait de ne pas respecter, le fait de garder son calme, tout cela, il y a des hadiths clairs et authentiques qui disent que les personnes seront vraiment grandement rétribuées au Qiyamah. Je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que toute personne qui est en la mise en colère et qui peut, c'est-à-dire se venger, peut avoir le dessus, mais ne le fait pas. Ne le fait pas pour Allah. Et garde sa colère dans son cœur, que Yawm al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, fera venir cette personne au milieu de toutes les autres. Pas seulement y aller avec Allah, seul Allah et cette personne. Non. La personne Allah et Allah l'Azim, toutes les créatures. Si c'est un homme, il lui dira, choisis parmi les femmes du paradis de ce que tu voudras. Si c'est un homme, il va lui dire, choisis parmi les femmes du paradis de celles que tu voudras. 10, 20, 30, 100, comme tu veux. Juste pour avoir gardé, quoi, cette chose dans son cœur. Si c'est une femme, le hadith n'a pas cité c'est quoi. Le hadith n'a pas cité c'est quoi, mais sûrement que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'équivalent. Lui donnera l'équivalent de ce qu'il donne à l'homme. Il n'y a pas de. Quand Allah il donne une chose à un homme, il ne donne pas à la femme. Tout ce qu'il donne à l'homme, il donne à la femme. Donc, il faut que nous sachions que le fait de garder sa colère et de la maîtriser, pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a quoi? Qu'on a de grandes récompenses. Nous, subhanallah, nous, notre colère, c'est un mal la colère, ça. C'est un chagrin, c'est un mal. La colère. Et le vrai musulman, il peut quoi? Il peut, yani, subhanallah, la rendre quoi? La rendre des récompenses. C'est une colère. Normalement, je vais insulter ou je vais dire quelque chose de pas bien. Mais maintenant, moi, j'ai un peu de science, je suis mashallah salaf, je vais quoi? Je vais profiter de cette colère pour que Allah subhanahu wa ta'ala, je la laisse dans mon cœur, pour que Allah ta'ala me donne des récompenses sur le Qiyamah. Donc, inshallah ta'ala, ukhti, il faut patienter bidna ta'ala, et attendre quand la colère passe, et essayer de faire raisonner le mari. Ça ne veut pas dire que classe, c'est toujours lui qui a le dessus, il dit n'importe quoi. Non, je laisse que la colère passe. Au moment de colère, on ne peut pas accepter. Au moment de colère, quand quelqu'un divorce, ce n'est pas accepté, si c'est la grande colère. Donc, je laisse que la colère passe. Et je lui rappelle doucement, quel est le vrai comportement du musulman, les hadiths qu'il y a, comment était le prophète Aslam, comment étaient les sahaba, comment ceci. Moi, pourquoi je veux me marier avec toi, tu lui dis. Me marier avec toi, je t'ai choisi parce que tu es quelqu'un de mashallah, apparemment. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, moi, je voudrais vivre une vie de vrai musulman. Maintenant, si je vais vivre avec toi, alors que je ressens que. Dans notre liaison, il n'y a aucun islam. C'est juste les apparences. Donc, à quoi ça sert? Je vais me marier avec un voyou, ce sera la même chose. Donc, pour Inch'Allah Ta'ala, je vais faire raisonner avec hikma et sagesse. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Attends, s'il y a une dernière question avec laquelle on termine, Inch'Allah Ta'ala. Ah, cher, Inch'Allah, je vous lis la dernière question et je vous ai envoyé en whisper le site de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et apparemment en fait le livre existe bien. Tasfiya wa Tarbiya, apparemment c'est un livre qui existe, cher, et ça serait le sixième en partant de la fin. Donc si vous pouvez regarder, Inch'Allah, et je vous lis une dernière question. Salam alaikum wa rahmatullah. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à faire Salat al-Fajr. Entre parenthèses, pourtant j'étais une personne qui se levait dès la première minute de la Salat. Je m'inquiète beaucoup car je connais les conséquences de ce grave péché. Donnez-moi un conseil, cher, pour qu'Inch'Allah, je résous ce problème. La question d'une sœur. Tfadal, cher. Tu as dit que la personne était un frère ou une sœur? Mousseline, est-ce que tu m'entends? Naam, cher, j'ai répondu. C'est une sœur. Une seconde, Inch'Allah, une seconde. Donc j'étais en train de voir sur le livre, pour le livre de Cheikh Ibn Rahimahullah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est juste une muhadara. Tu sais que ça veut dire une muhadara? C'est-à-dire, comment on dit muhadara en français? C'est. Tu peux me dire comment on dit muhadara? Non, pas un épître. C'est. Quand on dit, par exemple, il y a tel savant qui va venir donner une muhadara dans telle salle, dans telle une conférence, barakallahu fi. Cheikh Al-Albani n'a jamais écrit un livre sur Tasfiyat Tarbiyah. Non, il a fait une conférence comme ça, il a parlé c'est quoi Tarbiyah, c'est quoi Tasfiyat Tarbiyah. Ensuite, ils ont fait, hein, cette conférence a été écrite dans un épître comme ça, le titre Risala, qu'ils ont appelé Tasfiyat Tarbiyah. Vous comprenez? Mais lui, Cheikh Rahimallah, n'a pas un livre comme ça, un gros livre qui s'appelle Tasfiyat Tarbiyah. C'est juste une conférence qui a été, Inch'Allah Ta'ala, réécrite sur une petite risala. Le mohem. Ah, voilà, c'est peut-être ce qu'il demandait, ça. Donc, non, peut-être, Inch'Allah Ta'ala, peut-être. Surtout, Inch'Allah Ta'ala, d'ici quelques années, Inch'Allah, j'aurai peut-être j'aurai un niveau, Inch'Allah Ta'ala, Mashallah, en français, peut-être tu pourrais, Inch'Allah Ta'ala. Le mohem. Donc, en tout cas, c'était quoi la question? Est-ce que tu peux me rappeler la question, Barclay? Chérie, il va falloir y penser, Inch'Allah, pour le yen. La question, c'était sur Salat al-Fajr, cher. Tafadda. Non, c'est vrai. J'en ai pas mon. Aujourd'hui, donc il y a des problèmes. Ça. Je dis à l'assurance sur la. Pour Salat al-Fajr, sache que jusqu'au lever du soleil, il y a un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension, il a rencontré Djibril et il lui a montré ce qui se passait. Entre autres, il a vu yani, des gens qui sont en train d'être châtiés, vraiment, yani, ça faisait vraiment yani, peur et mal. Et le prophète sallam, a demandé à Djibril, il lui a dit pourquoi cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai oublié maintenant ce qu'on leur faisait exactement. J'ai oublié. Mais il a demandé à Djibril, il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là, cette personne? Il lui a dit, cette personne faisait salat al-subh après le lever du soleil. Quand le soleil se lève, 8h, 9h, 10h, il se lève, masha'Allah, il va boire le café, il prend le croissant, faire de la confiture, du beurre. Ensuite, il dit, attends, je vais faire salat al-subh maintenant à 10h. Donc, que ma soeur et moi-même et tout le monde qu'on prenne garde, il faudrait qu'avant de dormir, de mettre dans le cœur, Ya Allah, aidez-moi pour que demain, Inch'Allah Ta'ala, je fasse ça. Si je suis sincère avec Allah, même si je ne l'ai pas faite, au moins Allah Ta'ala, et témoin que je vous dis que j'ai pas pu. Je vous dis, j'ai dans le cœur, mais j'ai pas pu. Mais le grave, c'est pour la personne qui dort et s'en fout. Qui dit, moi, je m'endors, je m'en fous, je me réveille pas la râle, c'est pas de ma faute. C'est ça ce qui est grave. Mais celui qui dort, qui règle son portable, ou bien sa montre, ou bien son réveil, ou bien demande à son mari, ou bien à sa femme, ou bien à son père de le réveiller, et il ne se réveille pas, celui-là, il est plus ou moins excusé. Mais celui qui dort et s'en fout, et dire moi je m'en fous, quand je me lève, je prie. Celui-là, gare à lui quand il va mourir. Il y a un iqab, une punition spéciale pour celui qui se lève pas sans soupe et qui l'a fait après le coucher du soleil. Donc ma soeur, Inch'Allah Ta'ala, mets dans ton cœur. Ah oui, donc c'est ça. Il y avait des gens qui, des anges qui frappaient une personne, ou bien des personnes avec des pierres sur la tête. Des pierres sur la tête, hein? Pourquoi? Parce que ils ne faisaient pas salat al-subh jusqu'au lever du soleil. Donc, Inch'Allah Ta'ala, alayka alayhi salam, pour Abu al-Haydan, naam, alayka alayhi salam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on devrait tous, avant de dormir, mettre dans le cœur de quoi que je voudrais me réveiller pour ça, sauf, et prendre aussi des sabbats, comme j'ai dit tout à l'heure, le réveil, le portable, il y a mille et une choses maintenant pour se réveiller, Allah l'aide. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire le bien, et aussi, faire le maximum pour ne pas beaucoup veiller. Quand on veille, c'est difficile pour se lever le matin, c'est très difficile. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de dormir à 21h, 22h, celui-là, Inch'Allah Ta'ala, il se réveille facilement. Mais celui qui reste jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, il est où? Ou bien en face de la télé, ou bien en train de sur l'internet, je ne sais pas où il rentre. On dit si, il rentre par là, il sort par là, il rentre par là, il sort par là. Celui-là, je lui dis, tout cela, si tu vas faire passer ça à tout ça, tout cela ne va, yani, t'être utile en rien. À quoi ça sert que j'apprenne? Tu as appris tout le Coran de 1h du matin jusqu'à 2h du matin et tu ne fais pas ça. À quoi ça sert? Il y a un châtiment qui t'attend. Je préfère y faire ça et ne pas apprendre le Coran à 1h du matin. Vous m'avez compris? Celui-là, c'est pour celui qui apprend le Coran à 1h du matin. Qu'en est-il qui celui à 1h du matin dit j'ai pas pu me réveiller? الله يعافينا ويهدينا ويكون معنا ويوفقنا نسأل الله سبحانه وتعالى تفضل المسلم إن شاء الله تعالى مسلم واسك توي إن شاء الله تعالى فولو بيطا ما جتو فوا فا تفضل مسلم زيد مسلم جي ريان رسي بور لانستون مسلم. J'ai pas compris ce que tu vas écrire en PV. La photo, j'ai compris, mais l'écriture, j'ai pas compris. Quel livre il a trouvé, j'ai pas compris. Allahu a'lam, cher, c'est pas des livres, je pense que c'est des écritures. Des photos avec des écritures. Tfadal, cher. Si tu veux dire par écriture quelque chose qui a rapport à la sorcellerie, est-ce que c'est ça? Non, donc, un milliard de l'âme. Donc, il prend les photos, avec ce qu'il y a comme écriture. Il prend un ustensile. Ils ont comme ça la parole, Aoudou Berbin Nas. S'il connaît aussi quelques versets sur le Sihr. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصرف عن المفسدين sinon il se suffit قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس comme j'ai dit et il jette les autres à l'intérieur, il les laisse un bon moment, hein? Ensuite il déchire le tout, il déchire toutes les photos et les écritures etc. et il les jette بإذن الله تعالى. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala samedi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Wa Muslim al-Akh Mohamed, attendez-moi 2 secondes. Attendez-moi 2 secondes dans le privé, inshallah.